Ne fais plus de coups que tu te fais péter. Péter, même routine hiver comme été. Été, que je pense, fais comme répéter. Rien à regretter, malgré mon buzz, j'oublierai jamais qui j'étais. Qui je suis, mon ami qui me l'a fêté. C'était trois avant qu'on me c'était. Dur pour faire sortir un CD. Avec plus, on peut faire beaucoup, crois que t'es. Pas le temps de juger. T'as mal, c'est resté au rond-point, j'fais la mal. J'vois mon âme crypté comme canal. Le meurtre à la calage, c'est banal. Et yo carnal, j'rêve de m'en aller. J'aimerais bien t'aider, mais j'sais pas où t'as mal. Pourquoi tu parles mal, pourquoi tu t'emballes. Tu pleures pour une fille, mais hier tu disais que tu t'emballes. Tu connais la routine, j'enchaîne, gratte un gold. Tu partis en mission, parce que c'est gratte une gold. C'est devenu une mode. Beaucoup préfèrent l'argent à leur mode. Motherfuck, ça vend du shit pour s'acheter un Glock. Trop ont perdu la raison, se sont fait virer de la maison. La vie nous a poussé à se transformer en doc. Et oui, en doc, j'ai le cœur sur la main. Et si je suis en tort, jamais je la ramène. Ta vie et ton sort, va pas changer la mienne. Et si un jour je m'en sors, je mettrai bien ma mère. C'est pas la petite bête qui fait peur à la grosse. Le gros poisson, va pas manger la miette. On peut voir la haine sur le visage des gosses. Donne-leur le plat, ils te montrent l'assiette. 2-0-1-4, tu te le mets la sienne. J'suis toujours le même, tu m'as connu à l'ancienne. Je viens de poser, tous les jours j'enchaîne. J'ai même plus le temps de consulter mes plans chaînes. Il est 3h du mat, tout le monde va rentrer. Le ticket est mort, mais moi je vais chanter. Je me présente, c'est Joel, MC enchanté. Je suis ce mec normal qui cherche pas à se vanter. Le truc m'a hanté, je le connais par cœur. Je pourrais rentrer chez moi, aller se bander. Le vol m'a tenté, mais j'en ai pas peur. J'ai vu mon poteau pour 50 rentrer. Ne m'en voulez pas, je rappe le ghetto. Le son de la craque a coulé en bécane. Armani au Vuitton, location du l'état. Sous les sièges, le métro, toujours anti-état. Je veux pas me le veto, c'est trop. Je veux le merco, ouais, gros. Marre de galérer avec mes poteaux. Moi j'ai trop de jaloux dans le rétro. Écoute, maintenant ça suit pour du béton. Vite ta vie, vite, vite ta vie. Mais depuis quand toi et moi on est amis? Qu'est-ce que tu dirais si je reste avec celui qui te la mise? Et qui te dit la famille? Oh non baby, j'suis trop ghetto pour te dire que t'es ma lady. Pour te dire j'ai le cœur en panne. Mayday, mayday, vois ma rage dans ma rétine. Ça part braquer sur des vêtements 50. En bruit terre-terre on arrive à 50. Les gars one bang bang, le doigt sur la détente. Pour toi c'était trop tendu, on va se détendre. C'est un hold up. Cette semaine j'arrive armé, quoi de neuf? C'est un hold up. Hold up, c'est hold up. Les semaines j'arrive armé, quoi de neuf? Hold up, c'est hold up, hold up, c'est hold up. Les semaines j'arrive armé, quoi de neuf? C'est hold up, hold up. C'est pas vrai que tu ne veux pas faire ça. En bruit d'air, c'est on arrive à faire ça. Qui a un bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel,